Yeah. Bienvenue dans une autre dimension, au-delà du réel. Encore une production nouvelle donne. Ah ouais mon gars, un truc de bâtard. C'est Mister Aucun et suis-moi dans mon monde aux frontières du réel. Ferme les yeux, perme. Bienvenue dans mon histoire sans fin. Écoute ça. La nuit est tombée sur le CNN. Sombre le ciel, je me tape un iced tea avec Momo et j'en bois une à la tienne. Né dans mon 4x4 BM, on va en boîte. J'allume la radio, c'est du Aucun et j'ai augmenté les watts. Mon téléphone sonne, c'est des moulins et tu dis quoi? Ah ouais, t'es de la partie, ok, dans 2 minutes, je suis chez toi. Je prends un green et en 2 speed direct, on s'arrache. T'as de merde, j'ai oublié mes papiers in the house. J'ai 2 minutes en 2 minutes, j'suis dans la ville, chez moi. Ma lady est sûrement devant Harley McBeal. J'fous la porte, hey. Putain, t'es qui toi? Un négro en caleçon dans ta maison, t'aurais compris toi. Et tu bégayes, bim gauche, bim droite. Puis un meuf débarque en serviette, elle aussi, bim droite. Dang, j'ai cherché mon gun dans une boîte. Damn, tu voulais juste aller en boîte. Et je revis toujours la même chose. C'est trop, c'est chaud, c'est une histoire sans fin. J'ai tabassé la mort de ma gros. C'est trop, c'est chaud, c'est une histoire sans fin. Ma vie tourne en rond non-stop, ça n'est jamais fini. Et je revis toujours la même chose. C'est trop, c'est chaud, c'est une histoire sans la fin. La nuit est tombée sur le CNN, sombre le ciel. Je me tape un iced tea avec Momo et j'en bois une à la dielle. Né dans mon 4x4 BM, on va en boîte. J'allume la radio, c'est des Aucun et j'ai augmenté les watts. Mon téléphone sonne, c'est des moulins. Je lui dis à droite et hopé. Il me dit t'es mon gars, quand tu veux, je suis ok. Alors, je file avec ma team, me cache derrière chez moi. La cagoule, les gants, net, précis, sans témoin. J'attends le salaud qui a gâché mon premier couplet. Je me dead, il a touché ma femme, je lui dis coupé. Voilà, on ramasse, on a chacun une balle. Une grande des moulins et une hache. On le bute, on le tabasse et on le tape et on le tape. On ramasse, on le ramasse, on le tabasse, on le frappe et on se casse. Sous ta voiture de stup, c'est dead, on est cuit, papi. Non, il me reste un dernier couplet, mec, pour être VIP. Et je revis toujours la même chose. C'est trop, c'est chaud, c'est une histoire sans fin. J'ai tabassé la mort de ma grosse. C'est trop, c'est chaud, c'est une histoire sans fin. Ma vie tourne en rond, non-stop, ça n'est jamais fini. Et je revis toujours la même chose. C'est trop, c'est chaud, c'est une histoire sans fin. La nuit est tombée sur le CNN, sombre le ciel. Je me tape un domac avec Momo, je croque une bouchée à la tienne. Et dans ma sens, il se gâte et on va en boîte. J'allume la radio, c'est de Aucun et la sono s'éclate. Mon téléphone sonne, c'est des moulins, il me dit c'est quand qu'on décolle. J'ai 4x4 BM de tonton Léopold. Je réfléchis dans ce couplet, faut pas que je me vôtre. J'suis déjà parti en couille dans les 2 autres. Je récapitule. J'ai shooté d'une seule balle la mon mago. J'ai tabassé avec mes 2 gars la mon mago. Soudain, j'suis comme un zombie devant mon McDo. Devrais peut-être faire plus d'attention à ma go. Okay. Donc je rappelle des moulailles, c'est grand taré. Je dis pas de me prendre, mais je serai sûrement accompagné. Donc on a tous pris nos meufs et on est parti. Je lève mon verre chin chin de mon carré VIP. Et je revis toujours la même chose. C'est trop, c'est chaud, c'est une histoire sans fin. J'ai tabassé la mort de ma grosse. C'est trop, c'est chaud, c'est une histoire sans fin. Ma vie tourne en rond, non stop, ça n'est jamais fini. Et je revis toujours la même chose. C'est trop, c'est chaud, c'est une histoire sans fin. Wow, wow, wow, wow. Et je revis toujours la même chose. C'est trop, c'est chaud, c'est une histoire sans fin.